C'est fou, édition Mishmash pour la semaine du 4 au 17 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour pour l'émission de demain, donc la prochaine portion. La suite de notre émission, on sera dans le top 10 dans la prochaine édition. En vous rappelant qu'on est du lundi au jeudi entre midi et 13h cette saison radiophonique. Et on repasse en rafale la fin de semaine. Donc on est là pour garnir votre petit sandwich et vos petites crudités tous les midis. On a du plaisir. Édition Mishmash, pourquoi? C'est nouveau de cette année. C'est la portion où Tania Baudin n'est pas là. Elle a un cours l'après-midi, donc je vais être seul pour vous passer la musique. Et je me suis dit aussi bien mettre toutes les chroniques là au même endroit. Donc on va se faire le petit bloc C'était fou plus tard dans l'émission. On va aussi faire Palmer Rest in Peace en disant au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les dernières semaines. En fait, depuis le début de l'été, on a un très gros Palmer Rest in Peace. Tout ça est une petite visite ailleurs dans les palmarès. Mais on commence là où on était rendu la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire aux positions 14 et 15. On avait déjà entendu Mac DeMarco à la fin de la dernière portion. Donc cette émission va commencer avec The Franklin Electric tout à l'heure, ainsi que Days, formation trifluvienne au milieu, mais avant ça, en 15e position francophone, on écoute une pièce qui descend de 4 places. C'est Heure Bleue par Police des Mœurs tout de suite au palmarès. C'est fou! Mais c'était foulé. Puis cadran ce matin qui te réveille. Normalement c'est elle qui te sort du sommeil. Mais tes culottes je peux plus voir. Inventer des histoires pour te faire la croire. T'as rien de player, t'es simplement pathétique. Quand t'es dame, t'es vendu la leur. Peut sentir le rose jusqu'à son cœur. Un beau gosse sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grands dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques. Quand je viens de mettre les portules à l'heure. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. Te voilà la tête entre les mains, pas surprenant que des problèmes. Tu vois plus le beauté dans le noir. C'est clair qu'avec le temps, car mon fessier en calvaire. Y'a pas perdu son élan. Y'a de l'vent dans le dos. La balle est dans son camp. Oh oh oh, oh, oh yeah. Oh oh oh, oh, oh, oh yeah. Body, hope they feel it too. And the wheels that turn open, keep burning like an old steam train. But my heart fell deeper, I felt troubled when I felt fever like a burning flame. When my heart fell heavy, when I felt troubled, yeah, when I felt deeper than a burning flame. Fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Yeah. Burning Flame par le Franklin Electric. Au palmarès, c'est fou, c'était la position numéro 14, ça descend d'une place en anglophone. Avant ça, on a entendu en francophone Days avec Langrande version française qui monte de 4 places, mais à l'entrée des précédents palmarès. Et au tout début, c'était Police des Mœurs avec Heure Bleue qui descend de 4 places, 4e semaine ou 4e palmarès de présence. On sait que les palmarès cet été ont été particulièrement longs. On parle d'un mois et plus. Celui-là dure 2 semaines et on va être bon pour commencer une nouvelle semaine la semaine prochaine. Voilà. Avant de continuer avec d'autres pièces de la portion top 20, continuons avec les pièces qui nous ont quittés cet été. Il y en a eu beaucoup. Alors, on parle de la période du 24 avril au 17 septembre. Très longue période. Tout le mois de mai, juin, juillet, tout le mois d'août, une partie du mois de septembre. Donc, on a beaucoup de pièces à saluer au passage. Donc, voici Palmarest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis le 24 avril dernier. Thank you. j'ai pas la peau d'un, j'ai pas la peau d'un nain. Avril au 30 juillet 2017. J'avais oublié que j'avais raccourci un petit peu le truc là, parce que pour vrai, il y en avait vraiment beaucoup trop. Il nous reste encore la période du 31 juillet au 3 septembre. Donc la semaine prochaine, on va faire ça ainsi que les pièces qui nous ont quittés cette semaine. Faut bien diviser ça en deux. Ça a quand même pris 10 minutes de faire tout ça. 44 pièces qu'on a entendues dans ce bloc-là. Si j'ai bien compté, là, moi j'ai compté la dernière feuille. Peu importe, commençons donc par la semaine ou période du 24 avril au 7 mai. On va dire au revoir à Gabriel Noël et les 7 juin featuring Lydia Kepi. Ensuite, en anglophone, Crystal Fairy avec Chiseler sur leur album homonyme. Puis, pour la période du 8 au 21 mai 2017, on a dit au revoir à Junior et Extra Lucide, Aqua Serge et Tour du Monde, François and the Atlas Mountains avec Tendre et Lame, Laura Carin avec Réverbère, Olina avec La Somme, Ostra avec Future Politics, John McKeel et Brothers, Napalm Palm et Get Love, et puis finalement, King Gizzard and the Lizard Wizard avec Anoxia. Puis pour la période du 22 mai au 25 juin, on va dire au revoir à Canaille avec Backflips, Pony et Brise Glace, Paupière et Sans Aile, Sago et les Sentiers de Terre, Allo Mode, avec Du Pouvoir, Tendre et Savoir Partir, Matt Vizio avec Réparer le Départ, Samuel avec La Sortie, Ty Siegel avec Black Magic, Lesbo Vrouven et Colori, Hot Kid avec Caught in the Light, Chouchou avec Wandering et The Franklin Electric avec I Know the Feeling. Et finalement, pour la période du 26 juin au 30 juillet, on avait Corridor avec Du Moyen-Âge à l'âge moyen, oui. Mardi Noir avec Hiver Nucléaire, OPE et la pièce Embarcadère, Zouf avec Hubert, Les Deux Luxe et Diable du Printemps, Larlo avec Souffle Grave, Set the Whale avec Step into the Darkness, Jacques Green avec Tu sais, Timber et Grifting, The Harpoonist and the Axe Murderer avec Forever Fool, Fiverr avec L'Extrême Mouser, Goldfrapp avec Anymore, Bombargo avec Pour Me Another et finalement The Sadies avec Riverview Fog. Voilà en rafale tout ce qu'on a éliminé de nos palmarès depuis le mois d'avril. Et comme j'ai dit, il nous en reste encore pas mal. Donc, il va nous rester la semaine, la période du 31 juillet au 3 septembre, ainsi que du 4 au 17 septembre, qui est, dans le fond, la période de palmarès qu'on est en train de vivre ensemble. Voilà. C'était long, mais je pense qu'on s'est rappelé des bons petits moments qu'on a vécu cet été. Ces pièces-là n'ont pas joué énormément, mais elles étaient quand même bonnes. Donc, il faut bien leur dire au revoir. Plus tard dans l'émission, un autre montage. Cette fois-ci, peut-être un petit peu moins bing, bang, badaboum, badabing. Ça va être le bloc C'était fou. Plus tard, on va retourner, en fait, pour le 20e anniversaire de C'est fou. On va aller célébrer un petit peu avec des pièces d'il y a très, très, très longtemps. Mais avant ça, on retourne où on était rendu dans nos palmarès, c'est-à-dire les positions numéro 13. En anglophone, il y aura Colorado et Born Yesterday qui descendent de la 5e place. Mais tout de suite, voici une autre pièce, mais elle qui monte de la 17e à la 13e. C'est Sultan des îles par l'Impératrice au palmarès C'est fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yesterday dans les palmarès. C'est fou, c'était du côté anglophone, bien sûr. En position numéro 13, ça descend de la 5e. Et avant, on a entendu l'impératrice avec Sultan des îles qui monte de la 17e. C'était nouveau dans le précédent palmarès. 12e place avant de passer au bloc C'était fou que je vous prépare en ce moment même. Donc en anglophone, la 12e, c'est Forgotten Fix avec Insomnia qui monte de 5 places. C'était nouveau la scène, le précédent palmarès. Un jour, je vais m'habituer. On dirait que non, mais un jour. Et en 12e francophone, pour commencer le bloc, ça monte d'une place. Voici Philippe B. Et explosion dans les palmarès, c'est fou. Pourquoi tu fermes les yeux au moment de l'explosion? C'est tellement beau. La destruction, pourquoi tu fermes les yeux? Je voudrais te raconter une histoire d'avant nous deux, avant que se croisent nos trajectoires. Il était une fois une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Pourquoi tu fermes les yeux?

Forgotten Fix et la pièce Insomnia dans les palmarès. C'est fou, c'était en position numéro 12, ça monte de 5 places. Et avant, en francophone, Philippe B avec Explosion qui monte, elle, d'une place sur l'album La Grande Nuit Vidéo. Maintenant, c'est le moment que je vous promets depuis le début de l'émission, c'est-à-dire on va retourner dans le passé, on va retourner en fait il y a pas mal longtemps. Hein, Sifu existe depuis 20 ans cette année. On est entré en onde en septembre 1997. Et là, ben, Colin, on était en septembre 2007, fait que ça fait pas mal 20 ans. Et je me suis dit, dans les palmarès Sifu, pourquoi ne pas retourner en arrière le plus loin possible? Malheureusement, on n'a pas de traces entre 1997 et 2000. C'était honnêtement, et là, c'est même pas des blagues, écrit sur des feuilles lousses. Des feuilles de cartable, genre, écrit au stylo, là. C'était aucunement professionnel. En 2001, on est arrivé avec des vrais documents Word. Et là, depuis ce temps-là, on a les archives. J'ai animé pendant une année scolaire à l'émission C'était fou. Vous pouvez aller sur assemblagerockey.com pour écouter ces émissions-là. On avait écouté de plusieurs pièces de différentes semaines. On faisait ça pendant une heure avec des vieux extraits d'émissions. C'était super le fun. Maintenant, là, c'est rendu une chronique, C'était fou. Et je me suis dit, on va retourner en 2001, ce qui est le plus vieux qu'on a. Et on va l'entendre pendant les deux prochaines semaines. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, le côté franco et le côté anglo. En troisième place, j'ai cherché pendant vraiment longtemps et je n'ai pas trouvé le numéro 3, mais je vous le mentionne quand même. Le francophone, on les avait sur CD dans le temps et c'est sûrement des bands qui n'ont pas existé très très longtemps. Mais bref, en troisième place, je n'ai pas trouvé Sunny Side Up avec Amer qui était numéro 1 la semaine du 2 mars 2001. Par contre, j'ai trouvé les deux pièces qui sont numéro 2 et numéro 1 et les deux sont assez longues pour faire un pas mal gros bloc de C'était fou. Donc en deuxième place, on écoutera Visible Wind avec Maniacri qui a été numéro 1 au cours des semaines du 2 et du 9 février. Et en première place, ce sera Vulgar Deli avec l'album du même nom et la pièce, attention, Fais voir ta chatte, qui a atteint la deuxième position au cours de la semaine du 6 avril. Et ça se passe tout de suite dans le bloc C'était fou. Cette fois-ci, on tourne en septembre 2001. Et hein, c'était punk rock à souhait, ça. C'est fou, c'était pas mal plus punk rock. En 2001, c'est là qu'on était de retour. Donc en 2001, c'était la rétrospective de l'année du côté francophone. Cette semaine, on a entendu au début du bloc Visible Wind et Maniacry sur l'album Bar Bubble Loop, qui a été numéro 1 au cours des semaines du 2 et du 9 février. Et on vient juste d'entendre Vulgar Deli et Fais voir ta chatte. Une chance qu'on entendait, qu'on comprenait pas trop le reste des paroles parce que c'est pas super mature. L'album s'appelle aussi Vulgar Deli. Voilà pour C'était fou et voilà pour cette tranche des palmarès C'est fou, édition Mishmash. On se retrouve pour une autre édition en semaine de lundi à jeudi, entre midi et 13h. Demain, à l'émission, ce sera la portion top 10. Pour ceux qui nous écoutent en rafale les samedis à partir de midi, ben, ça va être juste après la pause. Alors restez avec nous. Sif.ca, assemblagerequis.com et à la prochaine.